Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Jacquard, du coup, tu viens de retrouver le reste du groupe au niveau du palais de Hamza. De leur annoncer, en compagnie de Nestor, ce que vous aviez découvert à l'intérieur de la base du commando Requiem. Quelle est votre réaction, vous autres, en apprenant cela? A priori, vous n'avez plus de nouvelles de Mirage, plus de nouvelles de Facteur non plus. Le juge noir Arkville ne donne plus signe de vie. Dobby, le chef des artisans, est mort en martyr. Vous êtes, pour ainsi dire, livré à vous-même. Tout ce que vous avez cependant dans votre main, plusieurs bottes, on va dire, telles que, du coup, le palais, mais aussi Zora, la consul de Toulon, qui a été fait prisonnière par le ferrailleur Daïch. Cependant, en ce moment, deux grandes menaces vous tendent du coin des rues. L'une des rues métalliques des ferraillis. Il s'agit des ferrailleurs d'Africa, d'envoyer des néolibiens qui sont en train de se rassembler et qui grouillent dans les ruelles. Et de l'autre côté, au nord, et du côté des terres putains à l'ouest, vous avez les membres de la Résistance, guidés par Zoé Morceau, qui sont également en train de se rassembler. Aucun signe pour l'instant de la nuée noire. Et aucun signe non plus de la nuée du Phénix. Que faites-vous? Petite précision que je confonds pas, la nuée du Phénix, elle était censée nous aider, non, dans le plan, c'est ça? C'est la nuée du Phénix, elle a eu quelques missions qui sont censées déjà avoir été effectuées, notamment okay. Faire exploser des trucs en partie. Mais en effet, vous n'avez plus de signes de vie non plus de leur part. Mais vous n'aviez pas de marche à suivre précise. Ils étaient seulement là en soutien à l'opération Mirage. Vous avez été recruté par Mirage. Comment ils ont pu trouver? Où était... On a été trahi, quoi. Bah oui, incroyable. Non, mais... Mais il faut trouver ce traître. Peut-être qu'il est encore parmi nous. Non, mais écoute, pour avoir parlé de tête attaquée avec Mirage, il semblerait qu'ils aient mis une bleue à la tête de cette putain d'opération. Alors, moi, je pense que le traître, il est plutôt à chercher du côté des nuées. Si tu veux mon avis. Maintenant... je pense qu'on a autre chose, enfin, je suis d'accord que c'est important, mais on a autre chose à faire que de chercher le traître. Il faut à nouveau nous fortifier là-dedans et se préparer un siège, ou alors il faut faire une sortie ou abandonner le palais, bref, il faut faire quelque chose. Mais soit on se prépare, soit on part. Je pense qu'on est un petit peu obligé de, de fortifier et de partir, je pense que ce serait peut-être encore pire. Non, mais la vraie question, c'est est-ce qu'on... Oui, partir, ça permet de fuir, en fait. La vraie question, mais c'est, je sais même pas est-ce si qu'on peut encore gagner ? Très objectivement. Hein. C'est-à-dire que je sais plus trop, mais normalement, on est quand même avoir de, peut-être une... des clans africains qui sont censés arriver, c'est ça, normalement à un moment, oui, on va oui, se... cl- ouais. Et la résistance, ils ont okay. Retraversé aussi. Donc, clairement, faut se poser la question, parce que c'est bien beau de se dire, ouais, on va lutter, mais déjà, c'est pas qu'on a failli passer, mais je crois qu'il y en a deux d'entre nous, enfin, en voyant l'état de Jakarta, peut-être trois d'entre nous qui a failli passer récemment. Peut-être, je dis bien peut-être, que faudrait bien songer à si on fait une autre bataille ou pas. Mais est-ce qu'on a vraiment le choix ? On est en tenaille entre la résistance et les troupes africaines. Je veux dire, si on sort et qu'on décide de s'enfuir, la résistance va nous tomber dessus. Et après, mais... ce qui s'est passé, je pense non, que... La résistance, pas forcément. La résistance va prendre le contrôle du fort. Et clairement, la résistance, ils veulent devenir indépendants. Mais ils pourraient se rallier à nouveau avec les Africains. Mais je pense qu'ils vont tenter de les éliminer du jeu. Qui vont se concentrer sur les Africains et pas sur nous. Si on quitte le palais, si on reste dedans, on devient la cible de tout le monde. Ça, surtout que en vrai, y a quand même Mirage et Facteur qui ont disparu. Enfin, c'est bien beau de tenir, mais en vrai, à quel prix ? Parce que on ne sait pas où on en est, on ne sait pas actuellement qu'est-ce qui est en train de se passer. Si on risque nos vies, voire pire, là-dedans, pour qu'au final, on n'a rien et personne derrière. Et toi, Mokosh, qu'est-ce que t'en penses ? Tu dis rien ? Moi, je pense que de toute manière, je suis obligé de mener la mission à bien parce que la raison pour laquelle je suis là, c'est parce que je suis en exil de Borka, je peux revenir que si on réussit. Oui, et puis, si j'ai bien compris, quelque part, tu dois ça aussi aux Anabaptistes. Oui, ça réussit. Oui, on leur doit aussi. Enfin, je veux dire, on doit tous à nos clans nous avoir envoyés dans ce merdier aussi, hein. Oui, mais bon, aujourd'hui, les troupes les plus importantes que nous possédons ce sont les Anabaptistes. Donc, c'est eux qui ont le plus à gagner aujourd'hui à rester sur le champ de bataille que nous réellement, parce que nous, on n'a rien. En fait, en réfléchissant, je vois deux autres options. On peut tenter on peut partir. Pour essayer de retourner de là où vient, ce qui me paraît extrêmement compliqué, effectivement. Parce qu'en fait, le facteur déterminant, c'est pas la possession du fort, c'est la possession des gens de la ville. C'est-à-dire de si le peuple est avec nous ou contre nous. C'est ça la vérité. En vérité, on a réussi à mobiliser Saint-Chenil, mais pas énormément pour la gagne. Et pour la gagne, c'est sous le contrôle de la résistance. Mais la résistance sera plus là. Voilà. Maintenant, c'est une mission impossible et ça voudrait dire qu'il faudrait traverser la résistance. Voilà. Et d'où encore une dernière option, mais je crois qui était légèrement sabotée par les actes qui ont été faits ici, c'est de négocier avec la résistance et de voir s'ils sont toujours ouverts. Mais. Je doute. Vous avez un peu foutu en l'air cette option-là. Ouais. La résistance ne sera pas avec nous parce que de base. Elle ne voulait pas de nous, même quand on était en bon terme. Et depuis qu'on a fait sauter un pont pour pas qu'ils nous suivent, je pense que c'est raté. Effectivement, je pense que la réconciliation risque d'être difficile. Et si on fait valoir comme quoi on ne se bat plus pour le protectorat ou quoi que ce soit, on se bat pour eux et pour les Anabaptistes, par exemple. Ils se partageraient la ville. Ils veulent les Anabaptistes, ils veulent l'indépendance totale. On en avait déjà discuté, ils voulaient même pas que l'orphelinat appartienne officiellement au culte, ils voulaient que ça soit neutre. Ouais. Moi, c'est un peu une impasse. Ou alors... Non. Non, j'allais dire l'impensable... Mais je pense que j'allais. Bah, honnêtement, je vais le dire. J'allais dire. On s'allie avec les Africains. Mais c'est vrai que, étant donné qu'on les a quand même beaucoup tirés dessus et qu'on leur a bouffé beaucoup de mal, je pense que même ça, ne serait pas disposé à le faire de toute façon. Donc, bon. Je crois que ça c'est loupé. Je vous dis en toute honnêteté, hein, je mets toutes les autres sous sur la table. Hein. Mm-hmm. Donc, voilà. Combien ouais, il reste pour, de... ouais, pour mettre toutes les options sur la table, c'est pas spécialement l'option que je veux, mais pour appuyer la, l'histoire des Africains, a priori, Bayou est de retour avec eux et Bayou, il m'a pas ressuscité sans raison, il tablait un peu sur moi. Si vous êtes sous mes ordres et que je dis oui, Bayou, bah, il m'a ressuscité, donc je suis avec lui, peut-être que ça fonctionne. Mais je suis pas spécialement fourre. C'est Bayou le chef des ferrailleurs ? Non, mais il est avec les. Il est de retour pour sauver son frère maintenant, a priori, de ce que j'ai compris. Le chef des ferrailleurs, en effet, c'est Orma. Ouais. Ah oui. Mais Bayou mais était à ses côtés. D'accord. Sachant que moi, Hamza, je vous le dis, pareil, hein, Hamza était perdu dans l'écrasement des docks par l'échouage du ton cœur dans les docks. Mais donc il est sans doute en vie, même s'il y a une chance un film qui soit mort. Est-ce qu'on a un visuel de ce qui se passe au niveau des bateaux? Alors les ouais, bateaux mais... dont celui c'est qui bon s'est ça. Échoué au niveau des ferrailles. Ouais. En effet, vous avez l'info que donc celui qui s'est échoué est irrécupérable. Hein, il a pris l'eau. Il n'a pas totalement coulé. Il sort même justement. C'était le souci, c'était que le port était trop peu profond. Ouais. Mais les autres, eux, ont été, on va dire, amarrés de force, comme aussi bien possible, au niveau du sud des ferrailles, mais également des terres qui se trouvent un peu à l'est, donc celles qui sont au sud du chemin brûlé, par exemple. Ok. En gros, ils contrôlent le sud des ferrailles. Bon, on déjà... dit ça grouille dans les rues de temps en temps, vous entendez ouais. des échanges de tirs. Probablement qu'il doit y avoir des frères de l'acier encore piégés dans leur district qui sont des cendres ou qui sont terrés dans leur dédale de couloirs. Et c'est vraiment un nombre genre important de troupes, quoi. Ouais, c'est plusieurs navires, donc ouais, ils sont assez nombreux. Après, c'est des ferrailleurs, c'est pas des soldats, c'est pas des fléaux. Oui, donc ils sont moins performants, mais ils sont en nombre. Ok. Bon, en tout cas, moi, sinon pour l'option suite ou quoi, ce que je peux mettre sur la table, c'est que je vous propose au plus vite de fouiller la, je sais pas si vous l'avez fait, fouiller l'armurerie et de voir ce qu'il y a, récupérer, faire l'inventaire. Bon, je sais pas si on a le temps, mais faire l'inventaire de ce qu'il y a, et notamment s'il y a des explosifs ou pas, même en infime nombre, parce que défendre une forteresse, bon, ça se fait. Mais défendre une forteresse avec des trous. Voilà. Donc et donc si on a des explosifs, même en infime quantité, on peut faire sauter quelques escaliers, quelques trucs et faire de la construction, essayer de boucher des chemins. Voilà. Mais si on n'en a pas, ça veut dire qu'on la défend en l'état et la défendre en l'état. Militairement, ça pue. Bien qu'on peut retourner d'abord dans le fort intérieur, on peut se concentrer sur le fort intérieur. Bien que la porte soit explosée, quoi. Alors, ce que j'en vois là-bas. Là, pour le moment, on a la résistance qui est donc si on se passe par rapport à la cour argent, la résistance est à l'ouest. Ouais, c'est ça. Et les autres sont à l'est. Mais en gros, ils sont plus au sud-est. Et ils sont pas encore arrivés vraiment à. Ouais, ça. Ils occupent en gros. Voilà. Et ils ne peuvent passer que par en gros les ferrailles et revenir. Est-ce qu'il y a un pont que si on fait sauter, genre ils sont bloqués pendant un certain moment? Alors en effet, si vous faites sauter le pont principal qui mène aux ferrailles, ouais, ça va les bloquer un moment si jamais ils tentent. Est-ce qu'on pourrait pas déjà essayer de faire en sorte pour gagner du temps, pour pouvoir mieux nous préparer, de faire sauter ce pont? Et de barricader en gros pour essayer de les ralentir pour que pendant ce temps-là d'autres commencent à fortifier un peu plus et essayer de d'améliorer les défenses. Je pense que ça peut être intéressant. Faut voir sur les explosifs du coup. C'est ça. C'est conditionné ouais. À ça quoi. Mais en vrai, si on en a, je pense, c'est une bonne idée. Ouais. Bah, du coup, je donne l'ordre à deux ou trois anabaptistes qui passent, aller vérifier l'armurerie, trouver des explosifs. Très bien, c'est noté, tu vois qui s'y dirige. Bon, attendez. Bon, j'ai une annonce à vous. Je suis très... Non, je rigole. Moi qui ai dit tout le monde. Il se peut... que... le juge noir Archville, quand nous nous sommes vus pour la dernière fois, enfin l'avant-dernière fois plutôt, m'ait confié une mission suicidaire. Il se peut que malheureusement, pour ma propre survie, en fait, j'ai dû me débarrasser du juge Archville. D'accord. Il se peut que j'avais fait valoir ça avec la résistance. Dans une idée de... Voilà. Okay. Donc, tout compte fait, maintenant que... J'ai rien pensé, maintenant que Mirage a disparu, slash est mort, et tout le QG est mort. Pourquoi on n'irait pas les voir? Et comme vous avez pu, en ne se présentant plus comme le protectorat, mais imaginons juste les anabaptistes, en disant, nous avons supprimé nos chefs, est-ce qu'on peut s'allier? Et on leur fait porter le chapeau du pont, ou un truc comme ça. Moi, par contre, j'ai quand même des comptes à rendre hein, au niveau du serveur. Il va falloir trouver quelque chose, parce que là, fin, c'est quand même de la trahison, ce que je suis en train de faire, si on accepte. Mais en fait, le problème, c'est que le serveur a mis une incompétente, enfin, je veux dire, une personne qui a moins d'expérience que toi pour diriger une opération comme ça. T'as vraiment envie de faire confiance au serveur, encore? Personnellement, mon opinion, franchement, le contrôle des juges de la ville, j'en ai absolument rien à faire. Et quelle objectivement. Finalité, quelle finalité on cherche en réalité? Est-ce que là on dit on change véritablement de camp? Ou est-ce que c'est oui, on dit ça, mais on reste fidèle à notre mission? C'est là, c'est la question de la finalité doit être adressée. Moi je rappelle juste que notre mission elle est à toute base, elle est quand même genre très conditionnée à notre droit de vivre un peu. Officiellement, j'ai été radié du serveur. Et pareil pour Mokosh qui du coup peut pas retourner en Borka, etc. etc. Donc oui. Il faut voir ça aussi, genre si jamais on tourne le dos à ça, bah, qu'on va sûrement devoir jouer avec les conséquences là-dessus et qu'on dira sûrement adieu à tout jamais à la Borka. Oui. Faudra s'acheter des maisons ici quoi. Mais est-ce que c'est si mal que ça? Il pleut beaucoup quand même là-bas. Hein. Alors non mais voilà. Non mais en fait moi c'est plus comment dire plus stoïquement de voir qu'est-ce qui peut être sauvé, qu'est-ce qui ne peut pas être sauvé. Objectivement il reste des anabaptistes, des hospitaliers, des faux juges à peine. Qu'est-ce que je veux faire de cette poignée de personnes? Et bon bah les chroniqueurs c'est les plus mal en point là de ce que j'en vois. Ah oui, c'est-à-dire que le but de la mission, normalement, c'était de nous faire revenir de manière indirecte, mais je ne saurais dire... Est-ce que la victoire totale vous paraît, la victoire de nous tous, de, comme elle a été imaginée, vous paraît encore... Moi, je crois que non. Au moment où tu dis ça, vous avez un des gars sous vos ordres. Donc, un des chroniqueurs qui se trouvait avec vous, mais sous vos ordres, hein, donc un des. Enfin, sous vos ordres, entre guillemets, donc qui faisait partie du commando Requiem, qui arrive en courant. Vous voyez, là, il a carrément retiré son masque, il est transpirant. Et il vous dit attendez, attendez, il faut que vous écoutiez ça. Et il vous tend une espèce de. Comme un enregistreur, en fait, tout simplement, avec sa main. Donc un appareil un peu électronique que vous ne comprenez pas, mais dont vous entendez une espèce de voix bouclée avec une espèce de grain par-dessus. Et il dit ça tourne en boucle depuis tout à l'heure, j'arrivais pas à le capter à cause du brouilleur, mais j'ai réussi à passer. Donc il vous explique deux, trois termes techniques qui, globalement, veulent expliquer qu'il a réussi a intensifié le signal et réussi à capter quelque chose qui ne partait de pas très loin malgré la présence du brouilleur. Et à l'intérieur de ce message, en boucle, en train de tourner, avec une espèce de grain et de temps en temps, comme des petits artefacts qui se sont glissés vont faire sauter un bout de voix ou alors la couper, vous reconnaissez une espèce de son métallique avec un ton un peu féminin qui semble être celui de Mirage en train de dire au commando Requiem. Mirage au commando Requiem, notre opération a été compromise. Repli immédiat de cours argent. Je répète, repli immédiat de cours argent. Toutes les unités doivent se rendre à l'alcool. Mirage au commando Requiem. Mirage au commando Requiem. Notre opération a été compromise. Repli immédiat de cours argent. Je répète, repli immédiat de cours argent. Toutes les unités doivent se rendre à l'alcôve. Mirage au commando Requiem. Etc. Etc. C'est pas d'où tu viens, ça, Jacquard, l'alcôve ? Ça doit faire exactement. Un moment que c'est en train de passer, ça fait probablement quelques heures. Ah. Mais il y a quelques exactement. Heures, c'était impossible de reconnaître le moindre son. Oui, oui, mais c'est bien là d'où je viens. Il n'y a plus personne. Il y a que du son. Bon, déjà, attendez. Donc, là, ça veut dire que ce n'est plus notre responsabilité qu'engager. On a un ordre de repli. Mais, bien sûr, la première chose qui me passait à travers la tête, est-ce que c'est un vrai ordre ou est-ce que c'est une intox ? Pour moi, c'est un piège, vu que t'en viens et que tout le monde est mort là-bas. Ouais, non, je suis d'accord. Ça date d'il y a plusieurs heures. Donc, imaginons qu'il y a plusieurs heures, les alcôves se soient fait attaquer, que ce message ait été émis. Voilà, ça pourrait être ça. Mais les dernières traces de Mirage et de facteurs qu'on avait, elles étaient où ? Là-bas. Il y avait l'histoire du brouillage de l'antenne aussi, d'ici. Non ? Non, j'ai certaines pensées qui me font un peu peur, mais j'aimerais pas que... J'aimerais pas imaginer un scénario dans lequel Mirage puisse être à retenu l'origine en otage et torturé. De... Non, plutôt à l'origine de la trahison. Mais à ce moment-là, vous voyez une silhouette approcher, Nestor. L'air totalement furieux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On d'accord que Nestor, c'est lui qui est avec moi. Hein. Ouais, c'est ça, celui qui est avec toi. Tu vois qu'il y a le message qui passe et tout en boucle et tout. Alors comme ça, Mirage a envoyé un message. Il s'arrête quelques secondes le temps d'entendre le fameux enregistrement. Toujours en train de tourner sur une espèce donc de fréquence hein, émise dans l'espèce de radio locale de la ville. Et vous voyez... devenir tout rouge en entendant ça, mais rouge de colère. Apparemment, ça fait plusieurs heures que ça a été diffusé, mais que ça n'a été décrypté que maintenant. Ça pourrait correspondre avec ce qu'on a vu. Attaque des alcôves et un appel à l'aide, quoi. Mais ça pourrait être un piège. Et vous êtes en train de me dire que... Bon, éteignez-moi ça, vous. Tu vois qu'il donne un ordre chroniqueur qui s'exécute aussitôt. Donnez-le-moi, il tend la main. Le gars lui file l'appareil. Vous voyez qu'il le tient dans sa main comme s'il hésitait à le briser. Je vais pas vous mentir, je sais pas quelle est la pire des hypothèses. Une trahison, ça pourrait pas venir de Mirage, mais de je ne sais qui. Ce serait catastrophique. Mais l'autre cas est presque encore pire, non ? Vous voulez dire qu'ils se sont fait attaquer, qu'ils ont donné ordre de se replier ? Alors qu'on a le palais. En fait, oui, je suis tombé des nues comme vous, mais il semblerait que Mirage ne soit pas très compétent. C'est mon avis personnel, hein, mais. Mais je pense qu'on le sait maintenant, Jacquard. Mais Nestor n'était pas vraiment au fait. Nestor, vous savez où est la nuée du Phénix ? Je crois que je connais leur plan, quoi. Je pense qu'il faut y aller. Parce que il me semble que je l'ai dit à tout le monde, mais peut-être que l'information n'est pas passée. Je sais de source sûre que Factor, le second de Mirage, fricotait avec la nuit du Phénix pour des raisons passionnelles. Et cette nuit du Phénix, je la connais aussi. Elles sont du genre à faire des choses pas bien, comme tuer des gens auxquels vous tenez. D'après moi, c'est eux qui ont trahi tout ça ou qui ont Mirage en otage. En tout cas, il faut clarifier ça. Et la forteresse, est-ce qu'on la garde, est-ce qu'on la garde pas, c'est pas le plus important. Quelle merde. Si, c'est le plus important. Tu nous as dit que c'est le peuple le plus important. Oui, mais écoutez, du coup, on peut pas abandonner la forteresse, c'est pas possible. Mais, où ça en est là, la recherche de dynamite là, d'explosifs, parce que si on arrive à faire péter ce pont, on pourra gagner du temps et enquêter un petit peu. On a ce qu'il faut. On aura ce qu'il faut, vous inquiétez pas. Alors, en fait, faire exploser. Il faut faire sauter le pont nous relie aux ferrailles. On a de quoi faire exploser plus que besoin. Ah, donc ça veut dire qu'on pourrait aussi, par exemple, faire du travail de sap et de consolidation de la forteresse. Avec ce qui nous reste, ou il faut faire c'est un peu plus compliqué que ça, mais ouais. En tout cas, la priorité est de faire sauter le pont qui nous relie aux ferrailles pour retarder l'arrivée des troupes africaines. Ok. Par contre, je ne sais pas vous, mais moi, je pense qu'on est absolument inefficace en attendant ici. Alors, si on veut garder la forteresse, moi, je suis pour la garder, mais la donner sous les ordres de quelqu'un. Et c'est nous, les gens, qui devons aller nous déplacer pour trouver la nuée. Sinon, je peux vous proposer une diversion. Une diversion suffisamment grande pour occuper et les ferrailleurs et les néolibiens et la résistance pendant un bon moment. Mais on va avoir des pertes. Ce serait savoir. Un plan d'Eisenhower. Vous voyez là, vous qui êtes situé un petit peu en contre-haut hein, de tout ce qui se passe, vous voyez en bas un peu toute la vie du camp de fortune s'articuler. Il prend appui sur une espèce de petite estrade, enfin de petite marche qui lui sert d'estrade, et se retourne en direction du port. Et notamment, son regard porte au niveau des tours à pétrole. Si on en fait péter une, elle fera péter les autres avec elle. On aura le droit à une réaction en chaîne. Et croyez-moi, ça va foutre un sacré bordel. Le plan est simple. On envoie l'une d'entre nous s'envoyer en l'air et se faire sauter au pied d'une de ses tours. On rassemble tout le monde au palais. Et on se met à l'abri. On parle de quel tour, du coup, exactement ? Les tours à pétrole, c'est le numéro 10. Ah. Et ce sont de grands réservoirs, de carburant, qui servent normalement à remplir les bateaux avant qu'ils ne repartent traverser la Méditerranée. Ça me semble bien, moi. Mmh. Bonne idée. Et pendant ce temps-là, vous allez voir si Mirage se trouve au camp des oiseaux. Quelle quantité d'explosifs existe ? Est-ce que ça nous prive des deux autres ou hein, seulement il va falloir un choix ? Non, non. On peut faire les deux ? Est-ce qu'on peut faire les trois ? On pourra faire les trois. On pourra tout faire. Bah, let's go ! C'est parti. Je vais faire appeler Gérard, c'est mon second. Tu le vois qui arrive. Okoche. Très bien. Fureur. Gérard. Il emportant le genou à terre. Alors relève-toi, on n'a pas le temps pour ce genre de choses. Il se redresse. On est frères et sœurs de combat aujourd'hui, il n'y a plus de questions des rites et des coutumes. Moi et mes amis, on va devoir s'aventurer hors de la forteresse. Donc jusqu'à le dernier ordre, tu en sens capable, ce sera à toi de gérer les anabaptistes. Très bien. J'imagine que je reste sous les ordres de Nestor et d'Eisenhower, malgré tout. On suit ce qu'ils disent. Dans les grandes lignes, oui. Fais attention à ce qu'on se fasse pas retourner. Mais, oui. Très bien, je ferai attention. Vous allez revenir, hein ? Bah évidemment, je reviens toujours. C'est vrai. Même quand on, même quand on pense que c'est peine perdue. Exactement. Bon courage à vous. Ils vous regardent vous aussi, et bon courage à vous également. Et bon courage à toi. Merci. Toulon sera anabaptiste ou elle ne sera pas. À ce moment-là, vous avez vous préparez globalement un petit peu, vous préparez vos affaires, vous redonnez les quelques ordres, hein, je considère qu'il fallait. Puis, du coup, vous retrouvez Nestor, qui vous donne ce qui est probablement la planque actuelle des oiseaux de feu, selon lui. En effet, d'après ce dernier, ils auraient envahi et créé leur base, leur nid, au sein d'une partie un peu abandonnée d'un groupe de souterrains qui se trouverait sous l'abattoir des Terres Putains. Le seul moyen de l'obtenir va donc être pour vous de vous jeter à l'eau et d'attendre la diversion pour sortir de cette dernière et vous précipiter au niveau de l'abattoir. Il y a une trappe à l'intérieur, dans l'arrière pour de celle-ci, qui vous permet de vous rendre sous terre. Je commence à me dire que c'était vraiment pas une très bonne idée de faire sauter ce pont. Faites attention aux résistants qui monteront la garde. Ce sera pas sans risque. Si vous faites choper, vous êtes mort. On y arrivera. L'élite part avec vous ? Évidemment. Et c'est ainsi que quelques heures plus tard, lorsque d'épais nuages cachent la lune et qu'aucune lumière ne filtre à travers ces derniers afin d'éclairer le port, que vous le longez en vous tenant en fait tout simplement aux berges et aux pontons. L'eau vous arrive jusqu'à relativement haut, vous avez été obligé de mettre vos quelques armements et autres dans des sacs, exactement pour ne pas les ravager tout simplement. Et vous longez la berge, jusqu'en direction de l'abattoir. Puis vous attendez patiemment, jusqu'à ce que loin vous entendiez le bruit d'une explosion, et que d'un seul coup vous voyez l'une des tours à pétrole s'embraser, dans un bruit mais monstrueux, une espèce de détonation énorme qui, on dirait un coup de vocodeur mais puissance maximum, qui ravage d'un seul coup comme une onde, l'intégralité du port et de la ville de Toulon, des flammes qui se mettent à jaillir mais tout droit sorties de l'enfer au niveau des tours et qui sont propulsées en l'air et qui vont se déverser mais jusque dans les ferrailles, jusqu'au niveau de cours argent. Vous êtes vous-même obligé de vous abriter derrière certains promontants en roche au niveau de la berge pour être sûr qu'il n'y ait pas des morceaux de lave quasiment qui vous arrivent dans la gueule. Mais c'est pas le plus inquiétant. En effet, vous le remarquez aussitôt, des litres et des litres, mais vraiment des tonnes de litres, de pétrole sont actuellement en train de se déverser dans l'eau du port et de s'enflammer. Vous voyez comme un raz-de-marée, un tsunami de flammes commencer à se disperser à travers ce dernier. Vous savez que il faudra probablement pas tarder parce que le courant et la direction des vagues normales renvoient en permanence ces dernières au niveau du port et donc forcément à votre niveau à vous. Évidemment, tous les résistants qui se trouvaient, que vous distinguez un petit peu leur silhouette au loin, qui de temps en temps balayaient avec leurs lampes torches le rivage face à eux, sont totalement abasourdis par ce qui se passe. Et vous savez que c'est le moment pour vous, en tout cas, de vous précipiter. Je vais vous demander, pas des tests de discrétion, mais des tests de body athlétisme pour savoir si vous êtes suffisamment rapide et vif pour vous précipiter au niveau de l'abattoir avant qu'ils aient le temps de reprendre leurs esprits et de comprendre ce qui est en train de se passer. Ok, deux réussites dont un déclencheur. difficulté de réussite dont un déclencheur également. Très bien. 3 réussites dont un déclencheur. Parfait. Un test pour allez, Flux. Ne nous lâche pas, Flux. Ce n'est pas le moment de. Enfin, j'allais dire un terme informatique, mais je ne connais pas. Je vais faire un blue screen right now. Est-ce que vous êtes prêts? Non, n'ose pas faire maintenant. 2 réussites. Parfait. Ah ouais. Tout le monde réussit son test. Magnifique. La personne réussissant le mieux est Lilith avec 5 réussites devant déclencheur. Sachant que j'ai un doute, désolé, j'ai oublié, mais. Allez, les vieux, dépêchez-vous. Les rouges, c'est des réussites normales ou c'est des réussites critiques? Je sais pas. Les rouges, c'est déclencheur. Ok, donc 2 réussites de déclencheur, mais ça revient magnifique. Bien. Vous précipitez hors de l'eau. Et Flux en premier, visiblement était clairement la personne la moins sereine. Probablement que la présence d'une armure avec un système d'électricité intégré est probablement pas top pour aller faire trempette. Et Flux hisse hors de l'eau. Totalement. Les bottes remplies de flotte. Vous hissez à votre tour derrière une espèce de ruine qui a, lors de l'explosion du pont qui s'est créé un peu naturellement pas loin de ce dernier. Et vous tracez entre deux faisceaux de torches en direction de l'abattoir. Vous vous dirigez en direction de la porte principale. Malheureusement pour vous, cette dernière a été condamnée. Une espèce de gros cadenas a été placé dessus. Et en vous retournant, vous remarquez qu'il est de même pour tous les bâtiments à peu près autour. Ils étaient pas là ce matin, c'est probablement un coup de la résistance. Ils ont l'air brisables, ces cadenas, ou c'est des énormes trucs industriels? Ça a l'air d'être des gros trucs, c'est brisable, mais c'est brisable avec un chalumeau. Un énorme marteau? Un coup de masse? Ce ne sera pas suffisant, malheureusement. Mais tu peux défoncer la porte, si tu veux. C'est ça, serait un peu la mort de la discrétion, par contre, non? Attendez, il y a une autre porte ici. Vous voyez Lilith qui pointe du doigt la porte arrière de l'abattoir. Malheureusement pour vous, lorsque vous approchez, que vous tentez de l'ouvrir, vous voyez que celle-ci est verrouillée de l'intérieur. Elle est en quoi, la porte? Elle est en fer. Mais elle n'est pas très bien fixée sur ses gonds, il faut l'avouer. Bah, je pense que ça va être obligé, hein. Jacquard, aidez-moi à faire levier. On peut faire levier. Je sors mon... je vais faire levier avec mon espadon. Derrière vous, vous entendez des bruits. Qui va là? Je crois que j'ai entendu quelqu'un. Change là. S'il vous plaît, je veux l'abri. Ça tire partout. Ça tire partout. Laissez-moi rentrer. Je pendant qu'il fait... C'est derrière vous, vous entendez. C'est pas à l'intérieur. Ah. C'est derrière vous. Ah, c'est derrière vous. Ok. Non, pardon, attends pour moi. Je vais faire... Vous entrez mieux juste. Tu commences à faire levier, vous commencez à entendre la porte qui se tord, et vous avez à de nouveau une voix d'un espèce de d'un des membres de la résistance, un des cadets qui fait « T'as entendu ?» On dirait qu'il y a quelqu'un en train de marcher sur de la... Il fait entendre l'espèce de faux bruit de chat. Fais-moi un petit test, je sais qu'est-ce que je te demande de comme test. Test de charisme. Non, psyché, oh non. Déception. La spécialité de Toric. 3D. Allez, on est ouf. Eh ben, 2 succès. Très bien. Attends, je vais voir. D'un seul coup, vous voyez du côté du bâtiment un faisceau de torches commencer à éclairer la zone. Et c'est à ce moment-là que la porte devant vous s'ouvre naturellement de l'intérieur. Ah. Et vous distinguez la silhouette de Lilith. Putain, avec derrière elle la lumière naturelle d'une espèce de petite fenêtre qui avait dû être brisée probablement par le souffle de l'explosion à travers de laquelle elle s'est infiltrée. Mais on rentre. Une espèce de petite ouverture. Vous rentrez rapidement et, on ferme. Et d'un seul coup, ces dernières, le plus discrètement possible en tout cas, referme la porte. Je fais super bien. De nouveau, vous voyez un peu sous l'espèce de porte la lumière, d'un seul coup le sol qui derrière qui s'éclaire. Vous entendez des bruits de pas. Puis plus rien. Je t'avais dit que c'était qu'un chat. Il était bizarre ton chat. peut-être un chat boosté par les Anubiens, avec des concoctions pour le faire grossir et le manger à l'abattoir, qu'est-ce que t'en dis ? Arrête avec tes conneries. Bon, allez, viens, on va surfiler le pont. Si jamais on se fait choper près de l'abattoir, on va se faire descendre. Et les types, c'est vrai. Un chat Anubien. C'est à ce moment-là que vous remarquez les avant-bras de Lilith totalement en sang, avec des morceaux de verre à moitié incrustés dedans, visiblement en se précipitant, elle a un peu foiré son. C'est le métier qui rentre. Ah, oui. Je lui mets un. Je lui fais un espèce de petit rafistolage de fortune avec ce. Je te demande pas de test de médecine, hein, c'est un truc comme ça, t'en as fait toute ta vie. Voilà du mercure au chrome. L'abattoir qu'il faut l'avouer quand même dégage une odeur particulièrement pestilentière. Maintenant que vous retournez, vous voyez au niveau de l'espèce d'arrière-salle des crochets de boucher accrochés au plafond qui pendent. L'endroit totalement en vrac, des morceaux de bois qui traînent, des morceaux de fer, des instruments découpés, pas lavés. Vous vous rappelez, cette fois, vous aviez mangé ici, vous aviez acheté leur viande, étonnamment peu chère, contrairement à tout ce qui se fait dans le coin, et vous aviez tous été malades juste après. Vous commencez un peu à comprendre, des torchons imbibés de sang qui jonchent le sol, des morceaux de viande appartenant à je ne sais quel animal à moitié coupé, des bacs, des seaux remplis d'ossements et d'organes. Est-ce que je reconnais les organes ? Est-ce que je reconnais ? Oui, oui, tu reconnais, il y aura des boyaux de cochon, ce genre de trucs. Ok. C'est pas humain. Non. Le seul truc à peu près humain que tu remarques, c'est au niveau d'une espèce de scie de découpe qui normalement sert à trancher les carcasses en deux. Ce qui ressemble vraisemblablement à une main humaine. Et ça, il n'y a pas besoin d'être hospitalier pour se rendre compte que c'est pas animal. Ça n'augure pas que du bon. On n'entend pas de bruit ? Non. Non, vous entendez pas de bruit. Mais vous finissez par trouver la trappe. On va regarder ça. Allez ! Très bien. Vous dirigez vers cette dernière. Elle n'est pas fermée. Même si il y a une chaîne et un cadenas posés pas loin qui probablement servaient à la verrouiller. Vous l'ouvrez et vous vous enfoncez à l'intérieur des dédales. Où visiblement des anciens raccourcis tunnels de ferrailleurs ont été réquisitionnés par la nuit du phénix. Et vous finissez au milieu de ces dédales, en suivant les 2-3 instructions que Nestor vous avait données, vous arrivez au niveau d'une imposante porte en fer, à travers laquelle, notamment par l'espèce de... J'ai oublié le nom que ça porte, mince, la petite lamelle en métal que l'on tire pour voir les gens à travers, et ainsi que, du coup, les côtés au niveau des gonds et en dessous et un petit peu au-dessus, vous voyez une lumière rougeoyante passer. Et... derrière laquelle vous entendez du bruit. On y va. Bien entendu, je vais me mettre plutôt à l'arrière. Enfin, déjà, habituellement, je vais à l'arrière, mais là... Je rentre. Je vais à l'arrière et je rentre. La porte est fermée. En Borca. C'est fermé ? La porte est fermée. Fermée comment ? Fermée, a priori, à clé de l'autre côté. Ok. Il n'y a rien qui puisse être trouvé un autre chemin ou un truc qui pourrait être... Je peux pas tenter, moi, voir si je peux pas bricoler. Vous pouvez retourner au niveau du dédale de couloir, mais on vous a pas indiqué de chemin alternatif. Nestor, en tout cas, n'en avait pas connaissance. Bon, je rentre dedans. C'est fermé. Bah, sinon, je proposais, est-ce que je peux pas essayer, vu que je bricole... je pense que des serrures, j'en ai dû en passer. Est-ce que je peux pas essayer simplement d'ouvrir la serrure ? Ouais, vas-y. Crocheter. Tu vas me faire un petit ça. Pas crocheter, parce que crocheter, c'est un truc de voleur. Moi, c'est genre bricoler la serrure. Ouais. Passe. Tu vas me faire un test d'agility crafting. Ok. Tout ça pour dire que c'est pas un voleur, et puis. Bravo. Moi, je crochète pas. J'ouvre les portes, c'est tout. Mais j'ouvre les portes non, fermées. Parce que je voilà, j'ai pu faire des séries, des trucs comme ça. De toute façon, ça va pas marcher parce que c'est un échec. Donc, Tu tentes de la manipuler, malheureusement. Tu ne t'en sors pas. Un échec ou un échec critique? Échec, j'ai juste que du blanc. Très bien. Tu fais pas du. Flux ne fait pas. Un gros bruit dégueulasse. Dans le pire des cas. J'active l'explosif qui est derrière, t'inquiète pas, fais-moi confiance. Dans le pire des cas, on peut toquer. Officiellement, on n'est pas encore en mauvais terme. Bon, bah, genre, la trahison n'a pas été révélée. Peu importe qui a trahi, on ne sait pas encore qui. Mais si c'est eux, ils ne savent pas qu'on sait qu'ils savent qu'on sait. C'est perdre l'événement, le truc de surprise, mais c'est vous qui voyez. Bah, si c'est vrai, mais notre la côté, porte. Bon. Enfoncer la porte ne fera pas en un seul coup, donc on perd aussi la surprise, je pense. Ouais. Bon, bah, ok. Je prends mon dilacérateur, mais en mode. Tu sais, j'ai la pointe qui va vers le haut, au cas où il faut intervenir rapidement. Très bien. Qui toque? Flux. Oh, si j'étais au niveau de la porte, donc vas-y, on dit que c'est moi. Ouais, comme ça, c'est lui qui se fait planter direct. Et d'un seul coup. Ah, ça de la mort, donc. Au moment où tu toques, d'un seul coup, l'espèce de brouhaha qui se faisait vaguement entendre depuis l'autre côté s'arrête net. Vous n'aviez même pas vraiment conscience de ce que c'était. Est-ce que c'était des machines, des gens en train de parler au loin, des voix qui se portent? Mais vous entendez comme une espèce de son qui, d'un seul coup, tout devient silencieux. Puis, pas te faire bruit, puis un autre. T'as dit quoi, pardon, excuse-moi, Jacquard? Je voulais chuchoter à Flux. Est-ce que tu peux pas essayer de te faire passer pour l'un d'entre eux avec ta voix? Ah. Attends. Je viens de me rappeler que j'avais un truc qui existait. Un mode copie. T'as un truc de mimétisme, Oui, j'ai un truc de mimétisme. Parce qu'au début, j'allais dire, bah non, parce qu'avec ma voix, enfin, je veux dire, normalement, quand t'entends, quand tu m'entends, tu sais que je suis pas. Mais c'est vrai que tu m'ouvres. C'est vrai que j'avais ça. Mais je suis un apocalyptique. De souvenir. Oui, c'est un peu ça. Mais de souvenir, en fait, le problème, c'est qu'il faut que j'ai un échantillon qui j'enregistre pour que je puisse faire la voix. Je crois que le seul échantillon que j'ai, c'est comment il s'appelle? Hamza, je crois que non, c'était lui que j'avais copié sa voix. En tout cas, c'est quelqu'un comme ça, un peu important. Que tu sais qu'une fois. Oui, c'était ça. Donc, la seule voix que j'ai, c'est Hamza. C'est moi, Hamza. du coup, le plan a fonctionné. Ils ont tous grâce. Du coup, en vrai, il y a un coup de poker à faire incroyable. Mais le problème, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait? On fait pas? Parce que voilà, du coup, si je dois avoir une voix, ça sera celle d'Hamza. Donc sinon, autant utiliser vos voix, je sais pas, mais. Ouais, je pense que. Au pire, fais Hamza et fais genre, c'est votre suzerain, recherche un abri ou un truc comme ça. S'ils le connaissent, ça marche. S'ils le connaissent pas, ça marche quand même. Oh, tu veux vraiment tenter ça? Ils essayeront de. Soit ils veulent le mettre à l'abri parce qu'ils le connaissent et ils sont potes. Ils le connaissent pas et ils veulent le capturer parce qu'ils sont ennemis. La porte elle va s'ouvrir, elle va avoir un coup de fusil à pompe, on va adorer. Ouais, mais attention, parce que là on part du principe que c'est eux qu'on trahit de toute façon. Mais ça se trouve, c'est pas eux. Ah, vous voulez qu'on dise bonjour, c'est nous, on vient vérifier. En fait, ouais, moi je propose, vas-y fais-le parce que ouais, si jamais on joue carte sur table, en fait, et qu'ils nous ont trahis. Bah juste oui, ils vont juste faire tchik tchik pam pam dès qu'ils vont la porte. Alors ouais. Que là, ça va faire... Oui. Hamza, vas-y Hamza. Hamza. Oh mon dieu. Bon bah, je réutilise mon... Je ne sais plus comment ça s'appelle, parce que je t'avoue que j'ai cherché sur ma fiche, mais... Eh hey, sinon, on peut dire qu'on a capturé Hamza. Et Hamza, il parle derrière. On a capturé Hamza. Et l'autre, tu fais « Non, lâchez-moi ! Lâchez-moi ! » Vas-y. Ah, ça peut marcher. Ça fait ce qu'on peut se rattraper ouais. Après, si ça... Ok, vas-y, on fait ça. Bon, ça du coup, j'utilise mon module, là. Que, quoi, peu importe comment il s'appelle. Je sais pas si on l'a noté quelque part. Oui, non, ton modificateur de voix. Voilà. J'ai mon vocodeur, en tout cas. Et je sais pas si y a un jet à faire, mais du coup j'active la voix, la dernière qui était enregistrée, hein, parce que j'ai utilisé assez peu, donc j'utilise la voix d'Amza, et je vous laisse du coup dire que vous l'avez capturé pour que je puisse rompicher, enfin, derrière. Du coup je retoque à nouveau. On a capturé Amza, mais on a été séparés du reste du groupe. Laissez-nous rentrer, faut qu'on se mette à l'abri. Vous avez rien capturé du tout. Lâchez-moi. Les pas lourds se dirigent vers vous, mais des pas extrêmement lourds. On aurait l'impression d'avoir Jacquard. Il y a peut-être seulement Jacquard qui arrive avec sa jambe métallique à faire ce genre de son en frappant le sol. Et d'un seul coup devant vous, l'espèce de petite fenêtre à portée d'œil s'ouvre. Et révèle devant vous un visage que vous ne connaissez pas. Un visage vieux, âgé, mais surtout extrêmement lourd et extrêmement imposant. Une gueule comme vous en avez rarement vu. Un gars chauve, avec des sourcils énormes, des yeux creusés dans sa tête, un gigantesque nez et une énorme moustache, une mâchoire carrée au possible, des cicatrices partout. Un morceau d'oreille à moitié arraché, le nez qui semble avoir été recousu une dizaine de fois, pété, replacé, repété, et surtout au niveau des épaules, ce qui semble être une tenue d'Helvétique. Qui êtes-vous? Excusez-nous, on s'est trompé d'adresse? Qu'est-ce que vous faites là? Attends, il faut que je retrouve le nom de ces gens-là. Okay. On est les forces du protectorat. On vient voir la nuée du phénix. Oui, on doit voir Albatre, Crotal et l'autre. C'était censé être notre code pour rentrer. Pas ici. Le espèce de rideau de fer se referme. Ouais, c'est une autre faction. Il y a un truc en plus. On doit vérifier. Le truc se réouvre. De nouveau, le même regard qui s'apparaît. On doit vérifier qu'ils sont pas là. Ils sont pas là. Moi, je fais un test de perception. Ok, ils sont juste derrière. Attends. 3 réussites, dont 2 déclencheurs. 3 réussites, 2 déclencheurs ? Ouais. Oh, ok, très bien. Derrière son regard appuyé, tu aperçois une silhouette allongée au sol. Dans une mare de sang, le regard vide, partant dans ta direction, facteur. Le crâne défoncé. Comme si on lui avait marché dessus. C'est comme si Jacquard lui avait marché dessus pendant. Mais de manière frénétique. Ouais, comme si Jacquard lui avait marché dessus. C'est ça. Pas ici. Il s'apprête à nouveau à essayer de fermer. Déguerpissé. Je pense que je vais le laisser fermer et juste je regarde les autres et je leur fais signe qu'il va falloir défoncer cette porte et se battre. Et est-ce qu'on essaierait pas une troisième fois? Quand il ouvre, il y a mon fusil. Ok. Oh, le truc. Dis qu'on a de l'argent, hein. Invente un truc, qu'on a un trésor. Alors, sinon, il y a une autre option, plus discrète, entre guillemets, parce que le fusil, ça va être réverbère, ça va être en genre. Le son va se diffuser partout. Mais tu peux très bien. Mokosh, elle se met derrière. Ouais. Dès qu'il ouvre, elle lui met un. Le l'espadon en pleine tronche, quoi. Donc, en pleine tête, je pense que. Il a beau être ultra costaud, un espadon qui arrive lancé en pleine tête dans le nez, ça te traverse la tête. Hein. C'est juste que c'est un helvétique, quoi. Enfin, en tout cas, il a une armure d'helvétique. Ouais, j'espère que ça va le faire, mais on peut tenter. Ouais, après, je sais pas, c'est plus discret après. Je préfère le fusil, c'est mieux. Okay. J'appelle quand même à la prudence que moi, je suppose quand même que s'ils réouvrent, au bout d'un moment, enfin, je pense que aussi ils vont commencer à préparer le fait de nous en foutre dans, plein la gueule. Donc, je propose qu'on soit, efficace et qu'on fasse attention. Très bien. Bon, on se prépare. De toute façon, moi, j'ai déjà personne dans la main depuis le début. Personne se met dans la ligne de la porte, tout le monde sur les côtés. Ok. Ok. Ouais. C'est difficile de pas vous mettre dans la ligne de la porte. Vous pouvez vous mettre sur les côtés, hein, évidemment, mais je veux dire, c'est pas. Oui, mais ouais. Au moins, on reste pas en plein milieu, quoi, genre. Ouais. Ouais, du coup, je toque et je m'écarte le plus vite possible pour laisser la place à Jacquard. Genre là, on est dans une scène à la John Wick. Jacquard, tu te positionnes au niveau de la porte. Oui. Et pile au moment où tu commences à te mettre en place, le rideau s'ouvre à nouveau. Et cette fois-ci, vous voyez une tête qui vous est familière, équipée de lunettes de soleil. Il s'agissait de l'inconnu qui accompagnait la nuée du phénix, la dernière fois. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez capturé qui? Hamza. Vous avez capturé Hamza? Oui. Regardez là, il est juste derrière là. Attendez, rapprochez-vous. Nombre attaché. Qu'est-ce qui se rapproche? C'est à toi qui dis ça. Oui, le juste qui se rapproche un petit peu de l'œil. Il peut pas se rapprocher plus que ça. Et lui, il peut pas se rapprocher plus que ça. Il est au niveau. Penche un petit peu. N'importe. Dès qu'il fait ça, je lui mets le double canon dans le. Du calme. Tu vas nous ouvrir la porte. Tu vas nous ouvrir la porte tout doucement, sans faire de mouvement brusque. Sinon, le coup va partir tout seul. Ça, je ne crois pas que t'en as envie, malheureusement. Attention, c'est un vieux fusil. Ça pourrait partir à n'importe quel moment. Alors maintenant, tu vas l'ouvrir tout doucement, sans geste brusque, sans te retourner. Légèrement baisser très lentement sa main. T'entends le bruit d'une clé qui se tourne dans une serrure. Derrière lui, une voix qui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et puis la seconde d'après, la porte qui commence à s'entrouvrir. On s'enfonce dedans. Ouais, on s'enfonce tous dedans. Okay. Ouais. D'un seul coup, tu l'ouvres en fracas. Il tombe en arrière, il se la prend dans la tête, il tombe à la renverse. Putain, mais t'es dingue ou quoi? Tu vois qu'il commence à pisser le sang du nez. Vas-y, bouclier humain. Je le prends en otage. Tu commences à le choper en otage. Et vous arrivez dans une espèce de petite salle en bordel complet, avec des lits, des sacs de couchage disposés à droite, à gauche, des espèces d'étranges tracés labyrinthiques faits partout sur les murs, le cadavre de facteur encore gisant au sol, et puis quelques portes qui semblent donner sur des accès côte à côte. À ce moment-là, débarroule en furie l'helvétique. Position de combat, évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire, cette merde? Ouais, Mirage! Vous voulez que je vous défonce? Pour vous le décrire plus en détail, le type est colossal. Le type qui se présente face à vous, maintenant que vous le voyez entièrement, son armure est gigantesque. L'armure d'Helvétique qu'il contient est énorme. Il a l'air d'être extrêmement bien équipé. Il a une armure complète. Et il possède à sa ceinture une mitrailleuse. Ah. Qui commence à pointer dans votre direction. J'en ai rien à foutre de ce type, alors posez vos armes ou je vous défonce. On sait que vous avez buté Facteur, où est Mirage? Qu'est-ce que... On n'a pas Mirage. Et oui, on a buté Facteur. Ce traître est venu tenter de nous kidnapper l'une des nôtres. Qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse? Qu'on laisse saboter tout le plan? Ok. Il a Comment fait la même erreur que vous, alors posez vos armes tout de suite et on discute un instant. Je mets mon dilacérateur en mode normal en fait, juste planté dans le sol. J'abaisse mon espadon. Je lâche pas pour l'instant, mais je la baisse. Lui, il a la main posée sur sa mitrailleuse, mais il la pointe pas dans votre direction. Ok, je relâche le fusil et je lui balance le mec. C'est quoi ce bordel? Le gars a débarqué, je sais pas comment il a eu l'info d'où est-ce qu'on se tairait. Il a dit qu'il venait voir Albatre. On l'a laissé rentrer. Quoi, une erreur de notre part. Et puis voilà qu'il essaie de se tirer avec la pie. Alors je l'ai défoncé. Comme je vous défoncerai si jamais vous faites quoi que ce soit. À nous dire que Facteur est un traître, c'est ça? Oh, un poussin lâche. Il essayait de se casser. Il n'avait pas les épaules. Personne n'a les épaules pour tenir une telle opération. Bon, est-ce que vous avez des nouvelles de Mira? Putain, qu'est-ce que j'avais? Aucune. Vous êtes que tous les deux là? Ouais, les autres sont occupés. Ça. Des trucs à faire. Ok. Donc on est toujours au service de la même opération. Évidemment. Je sais pas pourquoi je pose la question, évidemment que la réponse c'est oui. Oui. Plus que jamais. Hein, Excel? Et vous voyez... le gars avec ses lunettes, ouais. C'est un chroniqueur, ça? Non, c'est un apocalyptique comme nous. C'est juste que c'est plus pratique de manier le sniper quand on peut voir ce qui se passe dans le noir. Ok. J'ai cru qu'il savait lire pendant un mois. non, Excel, bah... c'est H-E... C'est pas évidemment RP, hein, mais H-E-X-E-L. Ah, d'accord. C'est pas le Excel des chroniqueurs, quoi. Non. Bon, il est où, votre chef? Je vous l'ai dit, il est occupé. Bon, bah alors, dans ce cas-là, faites-lui parvenir que la forteresse a été prise, que les alcôves ont été complètement nettoyées, que Mirage est porté disparu, que la résistance... et semi-hostile à nous va sans doute bientôt nous faire l'assaut, et de même que les néo-libyens, si vous en avez remarqué, viennent d'arriver d'Africa avec Orma et Bayou. À ce moment là vous entendez un bruit derrière l'une des portes, une espèce de c'est quoi ça? Ça c'est Albatre. Qu'on peut vérifier en toute confiance, comme ça. Bah, bien sûr. Il se dirige vers la porte, en vous gardant toujours de l'œil. Non, vous savez quoi? C'est Excel qui va l'ouvrir. Je pouvais pas comprendre. Ok. Vous me le laissez aller ouvrir la porte? Oui. Ouais. Vous le relâchez. Il enlève un peu la poussière qu'il avait sur ses vêtements. Il s'est quand même fait projeter au sol, il repositionne son nez. Putain, je crois que tu me l'as pété. Déjà qu'il parlait un peu du nez, tu vois que là c'est affreux. Et puis il commence à se diriger au niveau de la porte. Il sort son trousseau de clés, la déverrouille, et lorsqu'il l'en trouve, vous apercevez la silhouette de Albatre, à moitié ligoté, avec une espèce de baillon dans la bouche. D'accord. Quoi? Ordre du chef. C'est pas nos affaires. C'est clair, c'est simple en fait. Elle voulait partir avec. Non, il fait ça à chaque fois. Quoi? Bon. Allez, me dites pas que vous avez jamais rien vu tel quoi. Vous avez jamais fréquenté des pies? Alors, oui. Plus l'habitude de ce genre de pratique. Bon, là. Ah, normal, sinon elle pourrait s'enfuir. Bon. Vous inquiétez pas, c'est pas Mirage. Ok, enfin, quoi qu'il en soit, c'est un peu la merde. On a... Il va falloir qu'on se mette d'accord sur les... sur comment on doit se débrouiller, sinon je pense que ça va aller mal pour tout le monde. Et on a besoin de tous se mettre ensemble. Bon, en gros, transmettez ce que je viens de vous dire à votre chef. Si jamais vous pouvez mobiliser des gens un peu plus, soit pour nous rejoindre dans la forteresse, soit pour arriver derrière la résistance, faire de l'agitation dans le peuple. Je sais pas, promettez ce que vous voulez, des émeutes, des réductions d'impôts, des pillages de magasins, de néobiens, tout ce que vous voulez, j'en sais rien, mais là, on a besoin de force, pas qu'on argent. Flux, tu vas me faire un test de perception, s'il te plaît. Yes, sir. Y a pas de souci, je vais transmettre les mots au chef. Mais la prochaine fois que vous remettez en question notre fidélité, je vous préviens, je vous défonce. Vraiment, j'en ai... Oh. Vous voyez qu'il lâche comme des jurons dans sa barbe. Il y a ses doigts qui bougent comme s'il était sur le point de choper l'un d'entre vous et de le tabasser. D'ailleurs, vous commencez à remarquer le sang séché au niveau de ses chaussures. Flux, il y a un petit détail que tu remarques. Au niveau de l'une des portes. En fait, l'espace d'un instant, tu t'es presque demandé si la voix que t'entendais, elle venait vraiment de la porte qui venait d'ouvrir et pas de celle d'à côté. Et en jetant un œil au niveau pareil de l'espèce de petit rideau en métal qui est ouvert, tu vois comme des scintillements de lumière, comme un appareil branché qui s'illuminerait et arrêterait de s'illuminer. On va et vient. Et parmi les nombreuses langues que t'as pu apprendre quand t'étais au serveur, forcément, le morse. Et tu reconnais très simplement les termes suivants, probablement communiqués par l'armure d'un ou d'une chroniqueuse. SOS.